Yeah. à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le lieu très haut, et tous les saints disent Amen, et tous les saints disent Alléluia.